Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. J'ai comme un poids dans l'âme, je te l'avoue, Jésus. C'est peut-être du vague à l'âme. Fais quelque chose, veux-tu? Ma vie n'a pas toujours été sérieuse. Je veux te le confesser. Mes joies ne furent pas longtemps heureuses. Toi seul, tu peux m'aider. J'ai comme un poids dans l'âme, je te l'avoue, Jésus. C'est peut-être du vague à l'âme. Fais quelque chose, veux-tu? J'ai fait des milliers de gaffes, je ne pouvais m'arrêter. Je ne veux pas perdre la face, car je sais, un jour, je te rencontrerai. J'ai comme un poids dans l'âme, je te l'avoue, Jésus. C'est peut-être du vague à l'âme. Fais quelque chose, veux-tu? Je t'abandonne ma vie pour vivre désormais. Ne vivre que de ta vie maintenant à jamais. J'avais un poids dans l'âme, mais lorsque j'y cru, et j'ai reçu ton salut. Je m'en remets à ton amour, car pour moi tu t'es abaissé. Je crois en toi, ô Dieu d'amour, la foi en toi m'a sauvé. J'avais un poids dans l'âme, oh, mais lorsque j'y cru, oh, Jésus ranima mon âme et j'ai reçu ton salut.